En signe de protestation contre les exercices militaires des États-Unis et des fantoches sud-coréens contre la République populaire démocratique de Corée, le Parti communiste révolutionnaire marxiste-léniniste de Grande-Bretagne et l'Association d'amitié Grande-Bretagne-Corée ont livré respectivement une manifestation le 21 octobre devant les ambassades américaines et sud-coréennes dans leur pays.